Psaume 72. Pour Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Qu'il juge justement ton peuple, et équitablement ceux des tiens qui seront affligés. Que les montagnes portent la paix pour le peuple, et que les coteaux la portent en justice. Qu'il fasse droit aux affligés d'entre le peuple, qu'il délivre les enfants du misérable, et qu'il froisse l'oppresseur. Ils te craindront tant que le soleil et la lune dureront, dans tous les âges. Il descendra comme la pluie sur le regain, et comme la menue pluie sur l'herbe fauchée de la terre. En son temps le juste fleurira, et il y aura abondance de paix, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Même il dominera depuis une mer jusqu'à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Les habitants des déserts se courberont devant lui, et ses ennemis lécheront la poudre. Les rois de Tarsis et des îles lui présenteront des dons, les rois de Séba et de Séba lui apporteront des présents. Tous les rois aussi se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le misérable criant à lui, et l'affligé, et celui qui n'a personne qui l'aide. Il aura compassion du pauvre et du misérable, et il sauvera les âmes des misérables. Il garantira leur âme de la fraude et de la violence, et leur sang sera précieux devant ses yeux. Il vivra donc, et on lui donnera de l'or de ses bas, et on fera des prières pour lui continuellement, et on le bénira chaque jour. Une poignée de froment étant semée dans la terre, au sommet des montagnes, son fruit mènera du bruit comme les arbres du Liban, et les hommes fleuriront par les villes, comme l'herbe de la terre. Sa renommée durera toujours, sa renommée ira de père en fils, tant que le soleil durera, et on se bénira en lui. Toutes les nations le publieront bien heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des choses merveilleuses. Béni soit aussi éternellement le nom de sa gloire, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, oui, Amen. Ici finissent les prières de David, fils d'Isaïe.